hard time. Les temps sont durs, yeah. Parfois les temps sont durs, sentiments piégés dans une période de nos vies où on se sent insécure. Les temps changent, les couleurs vivantes s'éteignent, l'harmonie des rappels et les réflexions s'empreignent. Quotidien, quotidien a pesé sa charge, sans aucune démonstration face à les pousse à rage. Ainsi de suite, une chaîne de combat se faufile, on reste accroché sachant que notre vie c'est plus qu'un fil. Parfois les temps sont durs, peine et pleurs perdurent, une rage viscérale quand le train de l'amour dévite ses rails, se propulsant vers le royaume des funérailles. On oublie FLD, croyant être seul quand on a mal. Car la tête haute, crois-moi y'a toujours pire. Car la tristesse est bon apôtre pour perdre le sourire. Oublie tes tourments, indépendant face à leur conquête. Car le calme et le bonheur succèdent souvent après la tempête. Entre bénéfices, entre pleine de la justice, entre détresse et égoïsme, les temps durs nous méprisent. On est au centre de leur hypocrisie, racisme, quoi qu'ils disent. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, parfois les temps sont durs. Entre bénéfices, entre pleine de la justice, entre détresse et égoïsme, les temps durs nous méprisent. Le système, la confiance, les dealers, la reconnaissance, et pense nos cœurs pleurant. Parfois les temps sont durs. L'honneur lâche, éclairage amplifie la violence au sein de notre actualité s'intensifie. Entre ordure et rature, on est vu comme impur. En conséquence, il n'est plus que sur soi qu'on se fie. Les temps sont durs ici, on découvre de nouveaux mystères. La vie te niaise quand t'as pas de bouffe dans ton friche d'air. Les comptes se succèdent, yeah. Semaine après semaine, man. Se foutent de ton succès au lieu de te foutre la paix, man. J'ai pas l'étoffe que ça prend pour fermer les yeux. Pas plus que ceux qui jouent du pop pop et disent à mes dieux. Par moment, je veux faire de la place aux autres, mais j'en ai même pas pour moi. Sauf qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes dettes de dope? J'ai rien de gars de la rue, pourtant j'ai mon chemin. On m'avait bien guidé, mais c'est moi qui a pas fait le bon chien, pas fait le bon choix. Aujourd'hui, j'en arrache pour me laver. Faudrait que je traverse le désert à la marche. Où sont les gens qui t'aiment quand t'as besoin d'aide? Ceux qui s'attardent à peu de choses quand t'as joint les éclairs. Les temps sont durs, tellement durs que des amis nous quittent. Question d'arriver plus vite. Entre bénéfices, entre pleine de la justice, entre détresse et égoïsme, les temps durs nous méprisent. On est au centre de leur hypocrisie, racisme, quoi qu'ils disent. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, parfois les temps sont durs. Entre bénéfices, entre pleine de la justice, entre détresse et égoïsme, les temps durs nous méprisent. Le système, la confiance, le dealer, la reconnaissance, et pense nos cœurs pleurant en silence. Parfois les temps sont durs. L'honneur lâche, éclairage amplifie la violence au sein de notre actualité s'intensifie. Entre bénéfices, entre pleine de la justice, entre détresse et égoïsme, les temps durs nous méprisent. On est au centre de leur hypocrisie, racisme, quoi qu'ils disent. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, parfois les temps sont durs. Entre bénéfices, entre pleine de la justice, entre détresse et égoïsme, les temps durs nous méprisent. Le système, la confiance, le dealer, la reconnaissance, et pense nos cœurs pleurant en silence. Parfois les temps sont durs. Entre bénéfices, entre pleine de la justice, entre détresse et égoïsme, les temps durs nous méprisent. On est au centre de leur hypocrisie, racisme, quoi qu'ils disent. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, parfois les temps sont durs. Entre bénéfices, entre pleine de la justice, entre détresse et égoïsme, les temps durs nous méprisent. Le système, la confiance, le dealer, la reconnaissance, et pense nos cœurs pleurant en silence. Parfois les temps sont durs. L'air lâche, éclairage amplifie la violence au sein de notre actualité s'intensifie. Nos nerfs lâchent, éclairage amplifie la violence au sein de notre actualité s'intensifie.